إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار حياكم الله. Aujourd'hui, le samedi 13 Dhul-Qa'da de l'année 1441 de l'Hégire, correspondant au 4 juillet 2020, je suis très heureux de vous retrouver afin de poursuivre ensemble notre étude de la biographie de notre prophète alayhi salatu wassalam à partir du livre de l'imam Ismaïl ibn Kathir rahimahullah, qui est décédé en l'an 774 de l'Hégire, et son livre s'intitule Al-Fusul fi Sirati Rasul. Avant de reprendre là où on s'était arrêté, il y a un point qu'on a déjà abordé dans m'ont été demandées des clarifications ou d'y apporter plus de clarification. C'est un point que l'imam Ibn Kathir rahimahullah a cité dans les caractéristiques propres à notre prophète alayhi salatu wassalam de manière absolue et exclusive, même comparé aux autres prophètes alayhi salatu wassalam. Afwan. Ni qu'il avait d'une manière exclusive, et parmi les points que l'imam Ibn Kathir a cités, qui peuvent être partagés par les autres prophètes, qui sont partagés par les autres prophètes. Et il a cité ce point avec un hadith dans les deux authentiques, dans lequel Nabi Isa Salam a ordonné aux compagnons de s'aligner, de bien s'aligner dans les rangs de la salat, car il les voit derrière lui de la même manière qu'il voit devant lui. Et ça, c'est parmi les choses qui sont spécifiques à notre prophète alayhi salatu wassalam, c'est-à-dire voir dans la salat ceux qui sont derrière, comme il voit devant lui. Et on avait vu que l'imam Ibn Kathir, rahimahullah, a dit par rapport à ce point, que la plupart des savants ont cité ce point et l'ont compris selon le sens apparent du texte, de ce hadith notamment, et d'autres hadiths également, qui sont rapportés par rapport à ce point. Contrairement à ceux qui ont interprété cela. Et il a ramené une parole de quelqu'un qui l'a interprété, qui est Abu Nasr ibn Sabbar, rahimahullah. Il a dit que le prophète, alayhi sallallahu alayhi sallam, voyait derrière lui, comme il voit, derrière lui, tout en ayant le regard en face. Sinon, il n'y a pas de particularité pour le prophète, alayhi sallallahu alayhi sallam. S'il s'agit de se retourner, yani, il tourne sa tête, il regarde derrière lui, ça, il n'y a pas quelque chose qui est spécifique à lui. Ça, c'est valable pour tout le monde. Mais Nabi Issa Salam, tout en regardant devant lui, il voit derrière lui de la même façon. Alayhi salatu wassalam. Donc, certains savants, entre autres celui que l'imam Ibn Kathir a cité, Abu Nasr ibn Sabbar, a dit que le Nabi Issa Salam, il voit derrière lui comme il voit devant lui. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné une capacité de ressentir ce qui se passe derrière lui, et il arrive à savoir ce qui se passe et ressentir ce qui se passe derrière lui de la même manière que ce qu'il voit devant lui. Donc il y a une forme d'interprétation en cela. Certains savants ont dit ont eu cet avis. Mais, comme l'a mentionné l'imam Ibn Kathir, la plupart des savants ont pris ces textes dans leur sens apparent. C'est pas un ressentiment. C'est une vision réelle devant comme derrière pour le prophète alayhi salatu wassalam. Et la plupart des savants ont compris ça également d'une manière spécifique à la salat. Nabi alayhi salatu wassalam n'a pas ce point tout le temps. C'est pas quelque chose de permanent chez Nabi alayhi salatu wassalam. Tout le temps, il voit devant lui comme il voit derrière lui. Malgré qu'il y a certains savants qui ont donné cet avis également. Mais ce qui est juste, et c'est l'avis qu'a donné parmi les contemporains Cheikh Ibn Baz et Cheikh Al-Uthaymeen rahimahullah, et parmi les anciens, Ibn Hajar rahimahullah, les savants du 8e siècle, 7e, il y a Ibn Hajar, rahimahullah, Nawawi, rahimahullah. Ibn Hajar l'a cité dans Fath al-Bari, Ibn Battal également dans son explication de Sahih al-Bukhari, et Nawawi, rahimahullah, l'a cité également dans son explication de l'authentique de l'imam Muslim. Et la plupart des savants ont cet avis, qu'ils voient réellement. Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné une faculté, une capacité à voir ce qui se passe derrière lui, comme il voit ce qui se passe devant lui, mais ceci est exclusif à la salat. C'est-à-dire, c'est pas valable tout le temps. C'est uniquement dans la salat. Et donc je disais que c'est spécifique à la salat. Comme a dit Cheikh Ibn Baz rahimahullah dans une fatwa, il a dit que ceci est spécifique au prophète alayhi salatu wassalam. Il voit derrière lui comme il voit devant lui. Pendant la salat, Cheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah, également dans une fatwa, il a dit qu'il voyait devant lui, alayhi salatu wassalam, comme il voit derrière lui. De la même façon, il voit les deux pendant la salat. Pendant la salat. Mais en dehors de l'état de la salat, il ne voit pas derrière lui. Il voit, comme tout le monde, uniquement ce qui est en face de ses yeux, ou à droite ou à gauche, il ne voit pas derrière. Voilà le faïda que je voulais citer. Donc aujourd'hui, on va commencer par le livre de la purification. Le livre de la purification, dans lequel l'imam Ibn Kathir, rahimahullah, a cité 7 points qui font partie des spécificités du prophète, alayhi salatu wassalam, par rapport à ce chapitre, des points qui sont spécifiques à lui par rapport aux autres membres de sa communauté. Le premier qu'il a cité, c'est que faire les ablutions pour chaque salat était une obligation pour lui. Et ceci a été rendu obligatoire pour lui après qu'Allah Azzajal lui a ordonné de faire siwak pour chaque salat, et quand c'est devenu lourd pour lui, alayhi salatu wassalam, Allah subhanahu wa ta'ala lui a remplacé cette obligation par une autre, qui est de faire les ablutions pour chaque salat. Les savants se sont basés sur un hadith rapporté par l'imam Abu Dawud dans ses sunan, selon Hanzal ibn Abi Amir, qu'Allah l'agrée, que le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, lui a été ordonné de faire les ablutions pour chaque salat, qu'il soit en état de pureté ou non. Afwan, j'ai inversé le mas'ala. Donc, d'après ce hadith, Nabi, alayhi salatu wassalam, lui a été ordonné de faire les ablutions pour chaque salat, qu'il soit dans un état de pureté ou non, après que l'ordre de faire siwak est devenu lourd pour lui, pour chaque salat. Non, allez, j'ai dit dans l'ordre correct. Alhamdulillah. Donc après qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonné de faire siwak pour chaque salat, et que c'est devenu lourd et difficile pour lui, alayhi salatu wassalam, Allah subhanahu wa ta'ala lui a allégé cette obligation, la remplaçant par une autre, qui est de faire les ablutions pour chaque salat. Ce hadith, sa chaîne de transmission est bonne. Donc c'est un hadith accepté. Comme vous savez, dans les hadiths, on a deux catégories seulement. On a des hadiths qui sont acceptés, al-hadith al-maqboul, et on a des hadiths qui sont pas acceptés, al-hadith al-mardoud, ou on peut dire rejetés, du point de vue de leur chaîne de transmission. Quand on dit que le hadith est faible, c'est-à-dire de manière générale, sa chaîne de transmission est faible. Car ce hadith peut avoir une chaîne de transmission faible, mais être authentique, son matn, ce qui est rapporté du prophète, peut être authentique d'après une autre chaîne de transmission, ou une autre narration. C'est pour ça, quand on dit que le hadith est faible, on veut dire sa chaîne de transmission de manière générale. À part les moutounes des ahadiths qui contiennent des choses dont on est sûr qu'elles sont erronées. Ou les ahadiths qui sont mentis sur le prophète, alayhi salatu wassalam. Donc on a deux catégories. Le hadith qui est accepté, et celui-là, il englobe les quatre catégories. Le hadith authentique pour soi-même, authentique pour autrui, hadith hasan pour soi-même, hasan pour autrui. Il y a d'autres hadiths qui permettent de faire atteindre ce hadith au degré de l'hasan li ghayrihi, alors qu'il était avant faible dans sa chaîne de transmission, et en ayant plusieurs hadiths faibles dont la faiblesse n'est pas شديد الضعف, qui n'a pas une faiblesse forte, il se renforce avec un autre hadith qui a une faiblesse légère pour donner un hadith hasanul li ghayrihi, hasanul li ghayrihi. Et plusieurs hadiths hasan li ghayrihi peuvent arriver au degré de l'hasan li dhatihi. Ensuite, l'imam Ibn Kathir, il continue par rapport à cette mas'ala, la première dans le livre de la purification, At-Tahara. Il dit que ce qui est apparent, dans le sens apparent de ce hadith qui vient d'être cité, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala a prescrit à notre prophète, alayhi salatu wassalam, de faire siwak. Lui a prescrit de faire siwak pour chaque salat. Et il dit que ça, c'est la vie juste chez les Shafi'i, ses compagnons de l'imam Ibn Kathir, qui est un Shafi'i. Ça a été dit, cet avis, par Abu Zakariya, c'est-à-dire Nawawi, rahimahullah. Et ça a été dit par Abu Amr Ibn Salah. Et cet avis est appuyé par un hadith rapporté par l'imam Ahmad, selon Abdullah ibn Abbas, que le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit, il m'a été ordonné de faire siwak jusqu'à ce que j'ai cru qu'on me révélera du Coran ou de la révélation à son sujet. Ça, c'est un hadith hasan également. Donc, Nabi alayhi salatu wassalam, il dit dans ce hadith que Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonné de faire siwak, et il lui a tellement ordonné cela qu'il a cru qu'il recevra un Coran dans lequel il y a l'ordre de faire siwak. Et également un autre hadith, selon Umm Salama radiyallahu anha, le messager d'Allah alayhi salatu wa sallam a dit, ma zala Jibril yusini bis siwak حتى خشيت على أدراسي. Jibril n'a cessé de m'ordonner de faire siwak jusqu'à ce que j'ai eu une crainte pour mes dents. Une crainte pour mes dents. À force de faire siwak, que ça fasse du mal au niveau des dents. Ça, c'est également un hadith hassan. Et selon Abdullah ibn Wahb, il a rapporté de Yahya ibn Abdullah ibn Salim jusqu'à Aïcha radiallahu anha que le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a dit « لقد لزمت السواك حتى تخوفت أن يدردني » J'ai tellement pratiqué le siwak jusqu'à ce que j'ai cru que j'allais perdre mes dents. Rapporté par le Bayhaqi. Ceci également un hadith hassan li ghayrihi. Mais ce qui empêche d'avoir cette compréhension, malgré ces nombreux hadiths qui sont acceptés, c'est ce qui a été rapporté par l'imam Ahmad. Selon Wathil ibn al-Asqa' radiyallahu anhu, il a dit que le messager d'Allah alayhi salatu salam a dit il m'a été ordonné de faire le siwak jusqu'à ce que j'ai cru qu'il allait être une obligation, qu'il allait être une obligation. Ça veut dire le hadith celui-là, il est plus clair que tous ceux qui ont précédé. Que le Nabi alayhi salam, malgré qu'il lui a été ordonné à plusieurs reprises de pratiquer siwak, cet ordre était uniquement d'une manière surrogatoire et non pas obligatoire. Parce que le Nabi alayhi salam, a cru tellement cet ordre a été répété et il y avait une insistance sur cet ordre, il a cru que ça allait devenir une obligation de l'islam. Mais c'est pas devenu une obligation de l'islam. C'est pour ça, l'imam Ibn Kathir nous rapporte de certains de ses compagnons, quand ils disent nos compagnons, c'est les compagnons dans le madhab, Shafi'i. C'est pour ça, si vous lisez un livre d'Ibn Qudama, il va dire « qala ashabuna », il veut dire « l'hanabila », ou même un livre de l'imam Sa'di. Et ça, bidnillah, si Allah nous le permet, quand on va commencer « manhaj al-salikin », on va voir l'imam Ibn Sa'di, il dit « qala al-ashab ». وقال أصحابنا les compagnons, nos compagnons, ils visent الحنابلة, ceux qui sont sur le même madhab que lui. Il dit que la plupart de certains de nos ashab qui suivent le madhab Shafi'i ont dit que siwak n'était pas une obligation pour le prophète عليه الصلاة والسلام, c'était recommandé pour lui comme pour tous les membres de sa communauté. Et ça, c'est la vue juste, wallahu alam. La deuxième mas'ala qui est citée dans le chapitre de la purification, rappelez-vous qu'il y a sept mas'ala. La deuxième, c'est que Nabi Isa al-Salam, il avait une spécificité, c'est que ses ablutions n'étaient pas annulées par le sommeil, même le sommeil profond. Le sommeil profond, quand tu perds le contrôle de toi-même et tu ne sais pas du tout ce qui se passe autour de toi. Tu ne sais pas du tout ce qui se passe autour de toi. Ce sommeil profond annule les ablutions pour nous de manière unanime entre les hommes de science. Le sommeil profond. La divergence, c'est au sujet du sommeil léger. Avec lequel tu ne perds pas complètement la perception de ce qui se passe autour de toi. Si par exemple il y a des enfants qui jouent à côté, tu vas même rentrer dans une somnolence, tu vas sentir qu'ils jouent, ils parlent, même si tu détectes pas exactement ce qui est dit, mais tu sais qu'ils parlent, tu sais qu'ils jouent. Ça, c'est ce qu'on appelle le sommeil léger. Est-ce qu'il annule les ablutions ou pas? Il y a une divergence entre les hommes de science. Et l'avis juste, wallahu alam, c'est que ça annule pas les ablutions quand tu es en position assis. Quand tu es assis. Si tu t'allonges et tu t'endors, ça annule les ablutions. Mais quand tu es assis, ça les annule pas. Et c'est ce que Sahaba faisait, radiyallahu anhum. Ça leur arrivait. Allez, radiyallahu anhum. Donc, notre mas'ala ici, est-ce que, yani, c'est que le sommeil, de manière générale, profond ou léger, n'annulait pas les ablutions chez le prophète, alayhi salatu wassalam. Et le dalil sur lequel les savants se sont basés pour cette mas'ala, c'est ce qui est rapporté dans les deux authentiques selon Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhuma, que le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, s'est endormi jusqu'à soupirer. Et quand le muaddin est venu, il est sorti, il a prié sans faire les ablutions. Sans faire les ablutions. Et également, ce qui est rapporté selon Aïcha radiallahu anha, c'est que quand elle a posé la question au prophète, alayhi salatu wassalam, elle lui a dit au messager d'Allah, tu dors avant de faire l'huitr. Il lui a dit, ô Aïcha, mes yeux dorment, mais mon cœur ne dort pas. Rapporté dans les deux authentiques. Et la raison donc de cette spécificité du prophète alayhi sallam, c'est que son cœur ne dort jamais. Et ce qui dort, c'est uniquement ses yeux. C'est pour ça que le sommeil n'annule pas ses ablutions. Alayhi salatu wassalam. Et ils ont divergé. Est-ce que toucher les femmes annule ses ablutions? L'avis le plus connu, quand l'imam Ibn Kathir dit l'avis le plus connu, chez Shafi'iyya, c'est que ça annule les ablutions. Pour Shafi'iyya, si tu touches ta femme, même tu touches sa main, sans plaisir. Comme ça, tu la touches, ça annule tes ablutions. Et ensuite, l'imam Ibn Kathir, regardez, subhanallah, les savants du hadith qui suivent Dalil, ils citent l'avis de son madhab, mais après ils citent l'autre avis, d'une manière dans laquelle il y a beaucoup de délicatesse. Il dit, et ceux qui ont dit que ça n'annule pas les ablutions, ils se sont basés sur un hadith rapporté selon Aïcha radiallahu anha, dans l'authentique de l'imam Muslim. Un jour, elle a perdu de vue le prophète, alayhi salatu wassalam. Il était chez elle, dans sa pièce, dans la maison de Aïcha radiallahu anha. C'est pas un trois étages ou là, c'est une seule pièce. Quand t'es debout, tu touches presque le plafond. Et qui fait quelques mètres carrés. Dans laquelle à peine il y a de l'espace pour mettre deux couches, la sienne et celle du prophète alayhi salatu wassalam, et il reste un petit espace. Ça, c'est la maison de la meilleure créature d'Allah subhanahu wa ta'ala, selon un avis. La meilleure créature d'Allah subhanahu wa ta'ala, selon un avis chez Ahl-Sunnah wal-Jama'a. Le maître du fils de Adam. Le meilleur de tous les prophètes et messagers. Et ça nous permet de voir que le fait qu'Allah te donne dunya, c'est pas un signe qu'il t'aime, forcément. Allah, il peut donner dunya à la créature qu'il déteste le plus. Comme ça peut arriver qu'il la donne à des pieux. Mais le fait de te donner dunya, si Allah te donne dunya, c'est pas un signe qu'il t'aime, forcément. Par contre, si Allah te donne la religion, te guide dans son droit chemin, te guide dans la voie de salaf salih, ça c'est un signe qu'Allah t'aime. À condition de mourir sur cette guidée, de mourir sur cette voie, la voie de Salaf Salih, la voie de nos pieux prédécesseurs, radiyallahu anhum, les compagnons et tous ceux qui les ont suivis jusqu'à la fin des temps. Et leur voie, elle est caractérisée par plusieurs points. Le premier, c'est qu'ils suivent le livre d'Allah et la sunna de son prophète, alayhi salatu wassalam, ils les comprennent comme ils étaient compris par les compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam. Ça, c'est la caractéristique la plus importante de Al-Sunna wal-Jama'a. Et qui englobe le reste des caractéristiques de Al-Sunna wal-Jama'a. Donc, ceux qui voient que toucher une femme n'annule pas les ablutions, ils se sont basés sur ce hadith. Un jour, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, un jour, Aïcha radiallahu anha a perdu de vue le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il était à côté d'elle. Et elle s'est endormie et elle s'est réveillée en pleine nuit. Elle l'a pas trouvé à côté d'elle. Elle a commencé à chercher avec sa main et elle l'a trouvé en train de prier. Et elle a touché ses pieds avec sa main. Elle a touché très exactement ses talons avec sa main. Et elle a touché ses talons, ça veut dire qu'ils étaient joints. C'est pour ça, c'est une sunna, quand tu te prosternes, d'avoir les orteils en direction de l'Qibla et d'avoir les talons collés pendant ce sujoud. Les savants ont tiré ça de ce hadith. Et elle a entendu dire pendant qu'il était prosterné, Allahumma inni a'udhu bi ridaka min sakhatik, wa Allah, je cherche refuge auprès de toi par le biais de ta satisfaction et ton agrément contre ta colère. Et par le biais de ta préservation contre ton châtiment. وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. On ne peut dénombrer les louanges qui se doivent à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais c'est comme il s'est loué lui-même subhanahu wa ta'ala. Et ça a été rapporté également que le prophète alayhi salatu wa salam embrasser ses épouses et partait faire la salat sans renouveler les ablutions. Donc ça, c'est encore plus fort que le simple toucher. Yani, c'est d'embrasser son épouse avant de faire salat, à condition qu'il n'y ait rien qui sorte. Si jamais il y a un liquide qui sort, suite à une excitation, quelque chose comme ça, yani, ou là, un liquide qui sort de manière absolue, là, ça annule les ablutions. Mais quand il n'y a rien qui sort, les ablutions restent valides, même si on touche son épouse, ou on touche une autre femme qui nous est autorisée, telle que notre mère ou notre sœur. Et si on touche une femme interdite, qui nous est interdite de toucher, est-ce que ça annule les ablutions? Non, ça annule pas les ablutions non plus, mais on prend le péché. Et que l'homme soit frappé sur sa tête avec un bâton en fer ou une barre en fer est meilleur pour lui que de mettre sa main dans la main d'une femme qui ne lui est pas autorisée. Et qu'il mette sa main, ou peut-être ça c'est pas le même hadith. Donc, لأن يضرب أحدكم بقضيب من حديد على رأسه أهون من أن يضع يده في يد امرأة لا تحل له. C'est le sens que je viens de traduire. Donc, l'avis juste par rapport à cette question, c'est que toucher une femme n'annule pas les ablutions. Ce qui annule les ablutions, c'est ce qui sort par les deux orifices. Tout ce qui sort par les deux orifices. Et toucher la femme ne fait pas partie de cela. Yani avec les autres annulations, des ablutions, et il n'y a pas dedans toucher une femme. Il n'y a pas dedans toucher une femme. Mais ça annule les ablutions chez Shafi'iyya, comme on a vu. La troisième mas'ala, est-ce que le Nabi alayhi salam faisait al-ihtilam? Est-ce qu'il faisait l'ihtilam? Ihtilam, ils disent les rêves érotiques. Deux avis chez les savants. Je vous cite ce que l'imam Ibn Kathir dit. Deux avis chez les hommes de science. An-Nawawi rahimahullah a dit que le prophète alayhi sallam ne faisait pas d'ihtilam. Mais ce qui pose problème dans cet avis, donc l'autre avis dit que oui, il faisait l'ihtilam. Mais ce qui pose problème à cet avis de Nawawi rahimahullah dans lequel il disait que le prophète alayhi sallam ne faisait pas du tout d'ihtilam. L'ihtilam, je vous ai dit, ils disent le rêve érotique. Ce qui pose problème, c'est un hadith rapporté selon Aïcha radiallahu anha dans les deux authentiques que le prophète alayhi salatu wassalam, ça lui arrivait de se réveiller le matin en étant dans un état de grande impureté, sans avoir fait de ihtilam. Et il fait son lavage et il continuait son jeûne. Elle nous dit, notre mère Aïcha radiallahu anha, que pendant les jours de Ramadan, ou les jours de jeûne de manière absolue, ça pouvait arriver au prophète de s'endormir dans un état de grande impureté, de janaba, c'est-à-dire qu'il a eu des rapports avec ses épouses, alayhi salatu wassalam, et il s'endormait sans faire le ghusl. Pour une raison, pour une autre. Mais dans la sunna, c'est que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, quand il pouvait pas faire le ghusl, ou quand il était fatigué, il préférait se reposer et retarder le ghusl jusqu'à avant salat subh, il faisait les ablutions. Il faisait les ablutions et il disait que ça allégeait l'impureté. Ça allégeait l'impureté. Par contre, celui qui dort sans faire les ablutions, et s'il n'a pas l'eau, faire tayammum, celui qui dort sans faire aucun des deux, les anges n'approchent pas son corps. Ils s'éloignent de lui. Car les anges ne s'approchent pas du cadavre d'un mécréant et du corps d'un homme qui est en état de grande impureté sans avoir allégé son impureté. En faisant les ablutions ou tayammum, s'il n'a pas la possibilité de faire les ablutions, avec les conditions dans lesquelles on fait tayammum, bien évidemment. C'est pour ça que Nabi Isa sallallahu alayhi wa sallam, quand il ne pouvait pas faire le ghusl, pour une raison ou pour une autre, il faisait le minimum qui est d'alléger son janaba en faisant les ablutions. Ou s'il n'avait pas l'eau, il faisait tayammum, alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, c'est rapporté dans un hadith qui a été rapporté par l'imam al-Albani de mémoire dans Ahkam al-Zawaj, son livre Les règles du mariage. C'est un hadith très important car il nous montre une guidée prophétique par rapport à ce point. Donc ici, Aïcha radiallahu anha, notre mère, qu'Allah l'agrée, elle nous dit que le prophète, alayhi sallam, ça c'est pour nous montrer que ça, le fait de se réveiller en état de janaba, que ce soit volontaire ou involontaire, dans le cadre des rapports, et après, Nabi alayhi sallam, il s'endort sans faire le ghusl, ou dans le cadre de l'ihtilam, d'un rêve érotique. Dans les deux cas, ceci n'invalide pas le jeûne. C'est-à-dire, tu peux commencer ta journée de jeûne en étant dans un état de grande impureté, ça n'invalide pas le jeûne. Mais quand est-ce que ça devient pour toi obligatoire de faire le ghusl? C'est quand tu veux prier. Tu te réveilles 5 minutes après l'adhan de subh. Salat dans 20 minutes. Là, tu dois obligatoirement faire le ghusl et partir prier en groupe. Pour la femme, elle a jusqu'au lever du soleil. Elle doit faire le ghusl et salat avant le lever du soleil. Elle a un intervalle plus large. Donc, que ce soit en ayant le janaba pendant la nuit, avant le début du jeûne, et ça continue jusqu'au début du jeûne, ou même, imaginons un autre cas, quelqu'un a prié le fajr, il est resté évoquer Allah jusqu'à Shuruq, ensuite, il s'est endormi pendant un jour de jeûne de Ramadan. Il s'est endormi. Et pendant qu'il s'est endormi, il a fait un rêve érotique. Il a fait un rêve érotique. Est-ce qu'on dit pareil? Ça n'invalide pas le jeûne? On dit que ça n'invalide pas le jeûne et qu'il doit faire le ghusl. Quand est-ce qu'il va devoir faire le ghusl? Il va devoir faire le ghusl quand il voudra prier Doha ou quand il voudra prier Dhuhr. S'il ne prie pas Doha, quand il voudra prier Dhuhr, là il va devoir faire le ghusl d'une manière obligatoire. Donc ça c'est par rapport à l'ihtilam. Pour le prophète, alayhi salatu wassalam, il y a un Nabi qui dit que le Nabi, alayhi salatu wassalam, ne faisait pas d'ihtilam. Mais ce qui est rapporté de Aïcha, radiallahu anha, nous dit que le Nabi, alayhi salatu wassalam, lui arrivait de faire l'ihtilam. Et l'avis le plus juste, il nous dit l'imam Ibn Kathir, c'est que l'ihtilam est de deux catégories. Les rêves érotiques sont de deux catégories. C'est pour ça, le terme rêve érotique n'englobe pas les deux catégories. Ça n'englobe qu'une seule. On va le comprendre tout de suite. Donc, l'ihtilam, il est de deux catégories. Le premier, c'est un excès du corps. Et ça arrive surtout pour les jeunes hommes, en plein force de l'âge, Allahumma barik, et qui ne sont pas mariés. Ou quelqu'un qui est marié, qui n'a pas eu de relation, de rapport avec son épouse, pendant une longue période, ça peut lui arriver également. C'est-à-dire que le liquide va se cumuler dans ses organes, va se cumuler jusqu'à un moment où ça va devenir un excès dans le corps, que le corps va dégager de cette manière. Et ça, quand ça arrive, l'homme ne voit rien pendant son rêve, pendant son sommeil. Ça, c'est pour l'homme et c'est valable pour la femme. C'est valable pour l'homme et pour la femme. Il va rien voir pendant son sommeil. Ça, c'est un excès du corps. Et ça pouvait arriver au prophète, alayhi salatu wassalam. Par contre, la deuxième catégorie de l'ihtilam, c'est un abus de shaitan. C'est un abus de shaitan. Shaitan, pour une raison ou pour une autre, abuse du croyant pendant son rêve et il lui provoque ce rêve érotique. Et là, ça correspond à un rêve érotique. Il va voir des choses, des images dans son rêve. Il va rêver de choses. Si c'est un homme, il va voir, par exemple, des femmes. Et il va voir comme s'il a des rapports avec une femme, avec une certaine apparence, ou des fois il ne voit pas d'apparence. En tout cas, ça sera comme des rapports réels et qui vont se terminer par une éjaculation. Ça, c'est un abus de shaitan. Pour la femme également. Elle voit, par exemple, comme si elle a des relations avec un homme. Et ça, c'est shaitan qui abuse de la personne. Et normalement, si on fait l'adhkar et on lit ayat kursi, pour la plupart des gens, ça suffit. Et ils ne sont plus victimes de ces rêves érotiques qui sont un abus de shaitan. Tout ce qui peut leur arriver, c'est la première catégorie qui arrive même au prophète, dans laquelle le corps dégage l'excès de liquide. Et dans cette catégorie, on ne voit absolument rien. On sent l'éjaculation pour l'homme comme pour la femme et la sortie du liquide, et on trouve les traces, mais on voit aucune image dans notre rêve. Ça pouvait arriver au prophète alayhi salatu wassalam. La deuxième catégorie, on voit des images. Et shayatin, bien évidemment, je ne veux pas rentrer trop dans les détails, ils font des choses selon les cas. Il y a des personnes qui peuvent être éprouvées à cause de l'mas, ça peut leur arriver. En tout cas, si tu vois des rêves érotiques dans lesquels tu as des rapports, yani pour l'homme avec une femme ou inversement, il faut savoir que tu es attaqué par shayatin. Il faut te protéger avec l'adhkar, avec la récitation du Coran. Des fois, comme j'ai dit, quand la personne a le masque, des fois il faut faire plus d'efforts. L'adhkar et lire surat al-Baqara quotidiennement et des choses comme ça, bi'idhnillah, Allah subhanahu wa ta'ala éloigne d'elle ces choses-là. Et surtout ne pas se laisser aller et accepter ces choses-là. Subhanallah, comme m'ont rapporté certains frères, que même pendant leur sommeil, ils se défendent, ils refusent les rapports, même pendant le rêve. Subhanallah, ça c'est une force. Allahumma barik. C'est une force. Ça veut dire que cette personne, elle combat ça pendant qu'elle est éveillée, Allah l'aide pendant son sommeil. Et celui ou celle qui est victime de shaitan dans ces choses-là, il y a, alhamdoulilah, des choses, Allah Azzajal nous a donné des moyens pour nous protéger de ces choses-là. La quatrième mas'ala, c'est que le Nabi Aïssa Salam, il ne pouvait pas être touché par la folie. Yani, attaqué par le djinn et le toucher dans sa raison. Ça ne pouvait pas lui arriver. Et ça, c'est parmi ses spécificités, alayhi salatu wassalam. Et c'est valable pour tous les autres prophètes, alayhi salatu wassalam. Par contre, il pouvait s'évanouir. Il pouvait s'évanouir. Même c'est rapporté dans Hadith Aisha radiallahu anha qu'il s'est évanoui, alayhi salatu wassalam, et qu'il a demandé à ce qu'on lui verse de l'eau froide sur le corps. Et il a repris conscience, alayhi salatu wassalam. Hadith est rapporté dans les deux authentiques. La cinquième mas'ala, ce que Abu al-Abbas ibn al-Qas a cité, c'est qu'il lui était interdit de rester dans la mosquée en étant afwan. C'est qu'il lui était autorisé. Ce n'était pas interdit pour lui comme pour nous, selon un avis, de rester dans la mosquée en étant dans un état de grande impureté. Et ceux qui ont dit que c'était autorisé pour lui seulement, après avoir dit bien évidemment que c'est interdit pour la Ummah, c'est interdit pour le muslim et le muslima de se rendre à la mosquée ou de rester à la mosquée en étant dans un état de grande impureté. Ils se sont basés sur un hadith rapporté par l'imam Tirmidhi, selon Salim ibn Abi Hafsa, selon Atiyya, selon Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu. Le messager d'Allah alayhi salatu wasalam a dit: ô Ali, il n'est autorisé pour personne de rester dans la mosquée en étant dans un état de janaba, grande impureté, excepté moi et toi. Hadith faible. Et tout ce qui a été rapporté par rapport à cette mas'ala est faible. C'est pour ça qu'il n'y a pas de dalil sur cette mas'ala. Certains ont dit que ce qui était autorisé pour lui, alayhi salatu wassalam, c'est de passer par la mosquée. Mais de passer par la mosquée, même en étant dans un état de grande janaba, de grande impureté, de janaba, ça c'est pas autorisé que pour le prophète, alayhi salatu wassalam, il dit l'imam ibn Kathir. Sauf si on dit qu'il n'est autorisé de passer par la mosquée quand on est en état de janaba, la mosquée du prophète alayhi salatu wassalam, ceci n'est pas autorisé, et c'est autorisé pour le prophète alayhi salatu wassalam seul. Mais de toute manière, le mas'ala est basé sur un hadith faible, il n'y a pas de hadith authentique concernant cette mas'ala. C'est pour ça, l'imam Ibn Kathir l'a résumé en disant qu'il n'y a rien d'authentique par rapport à cette mas'ala. Et c'est pour ça, Al-Qaffal, parmi Shafi'iyya, a dit que ceci n'était pas de ses particularités, alayhi salatu wassalam. La sixième, c'est la pureté de ses cheveux et de ses poils, de manière générale. Comme ça a été rapporté dans l'authentique de l'imam muslim, selon Anas ibn Malik, radiyallahu anhu, que le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a rasé ses cheveux pendant son pèlerinage. Il a ordonné à Abu Talha de le répartir entre les gens, entre les compagnons. Vous savez que les prophètes, ils ont une baraka dans le corps. Toute chose qui est prouvée qu'elle provient du prophète, alayhi salatu wassalam, qu'elle était en contact avec son corps, contient une baraka, une bénédiction. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a rien sur terre qui est prouvé avec des dalils authentiques que ça provient du prophète alayhi salatu wassalam. Ni ce que vous trouvez dans les musées en Turquie, ni à Londres, partout dans le monde où ils mettent des choses, des objets soi-disant que c'est des objets qui ont été portés ou utilisés par le prophète alayhi salatu wassalam, ceci n'est pas prouvé avec des arguments authentiques. Donc il n'est légiféré de chercher bénédiction dans aucun objet sur terre sous prétexte que ça appartenait au prophète alayhi salatu wassalam. Donc je disais, les prophètes, ils ont une baraka dans les corps et dans les actes. Et leurs suiveurs, les croyants, les savants, les muslimines de manière générale, la bénédiction qu'ils ont, c'est dans les actes seulement. C'est pour ça que vous voyez certains soufis, certains tariqas, si c'est pas toutes, mais en tout cas celles que je connais, ils ont ces pratiques avec leurs chouyour. Ils cherchent la baraka, la bénédiction, dans le corps de leur cheikh. Et ça n'est pas autorisé. C'est une forme de bid'a qui peut arriver à shirk. C'est pour ça que les sahaba n'ont jamais cherché le baraka dans le corps de Abu Bakr, ni dans les objets de Abu Bakr, ni dans le corps de Umar, ni dans les objets de Umar radiallahu anhuma, et ainsi de suite. Ils le faisaient uniquement avec le prophète alayhi salatu wassalam. Ils ne l'ont fait avec personne après lui, jusqu'à ce que l'ignorance s'est répandue et que les gens ont commencé à le faire avec des personnes déviantes, égarées, et dans beaucoup de cas qui pratiquent sihr, comme la plupart des chouyour de turq al-sufiya, de ces méthodes soufis. Donc le Nabi alayhi salam avait cette particularité. Et ça, bien évidemment, ça sera spécifique au prophète A.S.A.W. pour la vie qui dit que tout ce qui est coupé du corps devient impur. Il y a un avis qui dit que tout ce qui est coupé du corps de l'être humain devient impur. Les cheveux, quand tu les retires de ta tête, ça devient impur. Les ongles, et ainsi de suite. Ils sont purs quand ils sont liés au corps. Dès qu'ils sont séparés du corps, ils deviennent impurs. L'avis juste par rapport à cette mas'ala, c'est que ce qui est séparé du corps d'un vivant qui est pur à la base devient impur, excepté certaines choses, telles que les cheveux, telles que les poils et les os. L'ivam, as-sauf, ça c'est des exceptions. Et les savants, cet avis est basé sur le fait que Sahaba utilisait des peines et des choses qui sont fabriquées avec des os, pluriel de os. Donc il y a des dalils sur cette mas'ala. Mais selon l'avis qui dit que ces choses-là deviennent impures, donc ils ont dit que pour le prophète A.S.A.W., c'est pur. Mais ce qui est juste, c'est que ce dalil, c'est valable pour Nabi A.S.A.W. ainsi que pour toute sa communauté. Leurs cheveux, leurs poils sont purs et ne deviennent pas impurs quand ils sont séparés du corps. Il a cité une autre mas'ala liée à cette sixième mas'ala, c'est la pureté du sang du prophète alayhi salam. Ça également, c'est pour l'avis de ceux qui disent que le sang est impur. Le sang de l'être humain, il y a des savants qui disent qu'il est impur, il y a des savants qui disent qu'il est impur quand il est en grande quantité, et il y a des savants qui disent qu'il est pur en petite et en grande quantité. Et ça, c'est l'avis juste, Wallahu a'lam. Malgré que la plupart des savants, pour eux, le sang en grande quantité est impur. Pourquoi ils ont dit en grande quantité est impur? Pour faire sortir les petites quantités qu'avaient les compagnons dans les batailles, les blessures, ils prient avec. Sinon, ils vont se contredire. C'est pour ça qu'ils étaient amenés à dire qu'en petite quantité, c'est excusé. Et en grande quantité, c'est impur. Et ça invalide, ça ne t'autorise pas à prier avec. Tu dois forcément te nettoyer. Pour eux, quand ils ont eu cet avis, après ils ont vu certains ahadiths dans lesquels certains compagnons ont bu le sang du prophète alayhi. Et tous ces ahadiths sont faibles. Donc on ne va pas s'attarder sur cette mas'ala, car tout ce qui est rapporté est faible. Et après le sang du prophète A.S.A.W., son jugement, c'est comme le jugement du sang de tous les êtres humains, tous les fils de Adam. Si on dit qu'il est pur, il est pur pour tout le monde, il est impur pour tout le monde. Et comme je vous ai dit, Wallahu A'lam, l'avis juste, c'est que le sang de l'être humain n'est pas impur, il est pur. Et ça, c'est contraire à l'avis de la plupart des savants. De l'madhahib et plus. On va étudier ces questions, bidnillah, dans Manhaj al-Salikin, qu'Allah nous le facilite. Et la dernière mas'ala, c'est la pureté de l'urine et des excréments du prophète alayhi salatu wassalam. Il y en a qui ont dit que c'est pur. Et également, tout ce qui est rapporté par rapport à ça n'est pas authentique. L'imam Ibn Kathir a dit que c'est rapporté d'une manière de narration étrange. Et il n'y a rien qui est authentique par rapport à cette mas'ala. Donc, on dira également pour cette mas'ala qu'il n'y a rien de spécifique au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le jugement le concernant par rapport à ces points est le même que sa communauté. Ensuite, il a parlé de salat. Dans la salat, il a cité 11 mas'ala. 11 mas'ala qui sont des points et des caractères spécifiques au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le cadre de la salat par rapport aux membres de sa communauté. La première, c'est que la prière de Duha et de l'Witr sont obligatoires pour lui, alayhi salatu wassalam. Ad-Duha était obligatoire pour lui, ainsi que la prière de l'Witr. Et dalil sur lequel ils se sont basés est faible. Dalil est faible. Donc l'imam al-Kathir dit que le dalil sur lequel ils se sont basés pour cette mas'ala est faible. Il a cité les points qui le rendent faible. Et le deuxième point qui nous permet de dire que cette mas'ala est faible, que ces deux prières sont obligatoires pour lui, alors que pour nous elles sont surrogatoires, c'est que le Nabi Aïssa Salam, il a été rapporté de lui dans les deux authentiques qu'il priait l'Witr en étant sur sa monture. Et on sait que ce n'est pas valable de prier la prière obligatoire sur la monture. Ce qui est autorisé, c'est la prière surrogatoire sur la monture. Donc ça, c'est un dalil que l'Witr n'était pas une obligation pour lui et que c'était, comme nous, une prière surrogatoire. Également, ce qui prouve que Salat al-Duha n'était pas obligatoire pour lui, c'est que notre mère, Aïcha radiallahu anha, a dit que le prophète, il ne priait jamais Salat al-Duha que quand il revenait de voyage. Et malgré qu'il y a d'autres dalils qui démontrent que Salat al-Duha est une sunna, et que le Nabi la faisait avec assiduité, et que Aïcha radiallahu anha ici, elle nous dit ce qu'elle voyait, ce qu'elle a vu du prophète alayhi sallam. C'est-à-dire, elle ne le voyait pas faire salat al-duha. C'est pour ça qu'il y a des savants qui disent salat al-duha, c'est une sunna qu'on ne fait pas tout le temps. Pour prendre en compte ce qu'a dit notre mère Aïcha radiallahu anha. Mais, nous, ce qui nous intéresse ici, c'est que Aïcha radiallahu anha, si elle l'a pas vu faire salat al-duha que après son retour de voyage, ça démontre que c'est une prière qui n'était pas obligatoire pour lui. Car c'est pas possible que ce soit une prière obligatoire qu'il faisait tout le temps et qu'elle l'a jamais vu la faire excepté au retour de voyage. Donc, salat al-duha, c'était une sunna pour lui, comme pour toute la umma. Une mas'ala concernant la prière de nuit, appelée at-tahajjud, la prière nocturne, appelée at-tahajjud. Tahajjud, yani l'effort dans la salat. Et salat al-duha, avant de passer, j'aimerais mentionner un mérite. Les mérites de cette salat sont très nombreux. Qu'Allah nous facilite de la pratiquer tout le temps. Cette salat, je vais citer un seul mérite. Chaque jour où tu te lèves, t'es redevable de 360 sadaqas. 360 bonnes actions. T'as besoin et t'es redevable de 360 bonnes actions pour remercier Allah, le remerciement surrogatoire. Car le remerciement qu'on se doit pour Allah, elle est de deux catégories. où il est de deux catégories. Un remerciement obligatoire, c'est celui qu'on peut faire en accomplissant les obligations quotidiennes, les cinq prières, ainsi de suite. Celui qui fait toutes les obligations dans une journée, il a remercié Allah, le remerciement obligatoire. Était redevable d'un autre remerciement, d'un autre shukr, qui est ash-shukr al-mustahab, surrogatoire. Et celui-là s'accomplit en faisant 360 bonnes actions. Une bonne action pour chaque os, dans ton corps. Et ça compense ces 360 bonnes actions de faire deux unités de prière de Duha. C'est-à-dire, si tu fais deux unités de Duha, c'est comme si tu as fait les 360. Allahu Akbar. Regardez comment c'est immense et comment on est dans l'insouciance. Qu'Allah nous facilite de faire salat al-duha et de ne jamais la négliger. Regardez ce mérite. Tu remercies Allah, le remerciement surrogatoire, en laps de quelques minutes. Il y en a qui, parmi nous, qui prient deux unités de prière en deux minutes, trois minutes. Yani, en général, on ne dépasse pas 5 minutes. Tu as remercié Allah, le remerciement surrogatoire, pour toute une journée. Alors, ne la néglige jamais. Fais-la toute ta vie. Que tu sois résident ou voyageur. Qu'Allah nous le facilite à tous. Donc, par rapport à la prière de nuit, la prière nocturne, l'imam Ibn Kathir dit que la vie juste, c'est qu'elle n'est pas la même chose que l'huître. L'huître, c'est la prière impaire. À cause de ce qui a été rapporté par l'imam Ahmad selon Abdullah ibn Umar, radiyallahu anhuma, le messager d'Allah, alayhi wa sallam, a dit « Al-huître, raka'atun min akhir al-layl. » Al-huître, c'est une unité de prière dans la fin de la nuit, qui boucle la prière de nuit. C'est ça le sens. Hadith rapporté par l'imam Muslim. Donc la plupart de Shafi'iyya, il dit l'ashab, yani les compagnons de, yani les compagnons, ceux qui suivent le madhab Shafi'i, la plupart d'entre eux voient que la prière de nuit, on parle pas de l'huître. On parle de la prière de nuit. Maintenant, l'imam Ibn Kathir, il a fait la distinction entre les deux. Il y a des savants qui voient que l'huître, c'est Qiyam al-Layl. D'autres, ils voient que tu pries et tu termines ta salat avec l'huître. L'huître, pour eux, c'est la prière avec laquelle tu boucles ta prière de nuit. Et les autres, ils appellent la totalité prière de nuit. En tout cas, il n'y a pas, cette divergence n'a pas d'effet sur la pratique. Donc, ils ont dit, la plupart de Shafi'iyya, ils voient que la prière de nuit était obligatoire pour le prophète, alayhi salatu wassalam. Car Allah a dit, وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكْ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. Réveille-toi une partie de la nuit pour réciter le Coran dans tes prières surrogatoires, afin que ton Seigneur peut-être te réussisse, élevé à un rang loyable, un statut louable, le maqam al-mahmoud. Atiyya ibn Sa'd al-Awfi a rapporté selon Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma, par rapport à ce verset, il a dit que cette prière était spécifique pour le prophète, alayhi salatu wassalam. Il lui a été ordonné de la prier. Et ça, c'est faible, c'est pas authentique. Urwa a rapporté selon Aisha radiallahu anha que le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a prié de nuit jusqu'à ce que ses pieds se sont fissurés, jusqu'à ce qu'il a eu des crevasses, alayhi salatu wassalam. Aïcha radiallahu anha lui a dit, au messager d'Allah, tu fais cela, c'est-à-dire tu pries autant la nuit, alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a pardonné tes péchés passés et tes péchés à venir. Il a dit, oh Aïcha, ne serais-je pas un serviteur reconnaissant qui remercie son Seigneur? Ça, c'était une façon de remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour ses bienfaits sur lui, alayhi salatu wa salam. Il priait de nuit jusqu'à ce que ses pieds saignaient, alayhi salatu wa salam. Et ce hadith est rapporté dans les deux authentiques. Ils se sont basés pour dire que la prière de nuit était obligatoire pour le prophète, alayhi salatu wa salam, sur un hadith dans lequel il est dit, trois choses m'ont été prescrites et obligatoires et qui sont des sunnas pour vous, le witr, le siwak et la prière de nuit. Ça, c'est un hadith très très faible. Mais ce qui est juste par rapport à cette mas'ala, c'est que la prière de nuit était obligatoire pour toute la communauté au début de l'islam. Le prophète aïssa al-salam ainsi que sa communauté. Mais ceci a été abrogé, et c'est devenu recommandé pour toute la communauté. Et l'imam Ibn Kathir a rapporté selon Abu Amr Ibn Salah que c'est ça la vie juste. Et c'est ce qu'a dit An-Nawawi rahimahullah. Et l'imam Ibn Kathir a rapporté dalil de cette mas'ala, que la prière de nuit était obligatoire au début de l'islam, et ensuite ça a été abrogé, c'est devenu surrogatoire. Dalil, c'est rapporté selon Aïcha radiallahu anha, la mère des croyants. Elle a dit, elle a été interrogée par Hisham ibn Sa'd. Il lui a dit, ô mère des croyants, parle-moi de la prière nocturne du prophète, alayhi salatu wassalam. Elle lui a dit, tu lis Sourate al-Muzzammil? Il a dit oui. Elle a dit, Allah subhanahu wa ta'ala, Sourate al-Muzzammil, c'est les versets qu'on a lus tout à l'heure. Et elle lui a dit ensuite, Aïcha radiallahu anha, Allah subhanahu wa ta'ala a prescrit la prière de nuit au début de cette sourate. Ya ayyuha al-Muzzammil, يعني dans le début de cette sourate, Allah subhanahu wa ta'ala a prescrit la prière de nuit et c'était obligatoire au début de l'islam. Ensuite elle a dit, le messager d'Allah alayhi salatu wa salam a prié de nuit ainsi que ses compagnons pendant toute une année, 12 mois, jusqu'à ce qu'ils ont eu les pieds enflés et fissurés. Ils ont eu des crevasses et des saignements dans leurs pieds. Et Allah Azza wa Jal a révélé le début de la sourate et a gardé la fin de la sourate. Il ne l'a révélé que 12 mois plus tard, dans laquelle il y avait l'allègement et que la prière de nuit est devenue surrogatoire. Est devenue surrogatoire seulement. Donc ça, c'est la vie juste par rapport à cette mas'ala. C'est que c'était obligatoire au début de l'islam pour toute la umma et que ça a été abrogé, c'est devenu surrogatoire. Comme Allah Azza wa Jalla dit, وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكْ dans Sourate Isra, qu'on a vu. Allah Azza wa Jalla a informé que la prière de nuit, a dit l'imam Shafi'i, Allah Azza wa Jalla a informé son prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam, que la prière de nuit est une prière surrogatoire et non pas obligatoire. La troisième mas'ala, c'est que le prophète alayhi salatu wassalam, quand il était préoccupé avec des affaires et qu'il ne priait pas une salat surrogatoire, il l'a rattrapé. C'est pour ça, une fois, il a reçu des gens de Abd al-Qais qui sont venus le voir. Il a été tellement pris avec eux qui n'a pas prié les deux rak'at surrogatoires après salat al-dhuhr, ratibat al-dhuhr. Il ne les a pas priés jusqu'à ce que c'était l'heure de l'asr. Il est resté occupé avec eux jusqu'à l'asr. Et quand il a prié l'asr, il les a rattrapés. Il a rattrapé ces deux unités de prière. Quand il a été interrogé par une des mères des croyants sur cette salade qu'il a priée, car elle l'a jamais vu prier après l'asr. Comme vous savez, Nafila après l'asr n'est pas autorisé. Et il lui a expliqué qu'il a rattrapé ces deux rak'at de ratiba de dhuhr. Alayhi salatu wassalam. C'est pour ça qu'il y a des savants qui ont dit que toute personne qui ne prie pas une ratiba, elle peut la rattraper quand il y a une raison valable. Après, ils ont divergé quelles sont les raisons valables. Il y a des savants qui se sont limités au texte. Ils ont dit, si il l'oublie ou il s'endort, il ne la prie pas, il peut la rattraper. Car Nabi Isa sallam a dit, man nasiya salatan aw nama anha fakaffaratuha an yusalliha idha dhakaraha. Muttafaqun alayh. Rapporté dans les deux authentiques que celui qui oublie une salat, et ici c'est une salat indéterminée, c'est-à-dire ça englobe l'obligation et le surrogatoire. L'obligatoire et le surrogatoire. Celui qui oublie une salat ou qui s'endort, alors l'expiation, c'est-à-dire le moyen de rattraper cette salat, c'est de la prier quand il se réveille ou quand il se rappelle la salat. Ils ont dit, les excuses, il n'y en a que deux. L'oubli ou le sommeil. Le sommeil ou l'oubli. Et s'il lui arrive ce qui est arrivé au prophète, par exemple, il est préoccupé par des affaires, par des choses de dunya ou là, des choses comme ça, il prie pas une nafila, une ratiba. Est-ce qu'il peut la rattraper? Il y a des savants qui ont vu qu'il ne peut pas la rattraper. Si il a fait sortir de son temps, sans oubli et sans sommeil, c'est pas légiféré de rattraper. Ils ont dit que le rattrapage est spécifique au prophète, alayhi salatu wassalam, car lui, il a une particularité, c'est qu'il est pris par les affaires de da'wa et de risala, c'est le messager d'Allah. Yani, il a des préoccupations que n'ont pas les gens en dehors de lui, de la même façon que lui. Lui, il avait toutes les affaires de la Ummah sur son dos, alayhi salatu wassalam. Et on peut rattraper Nafila que dans les deux cas, oubli ou sommeil. Mais si jamais tu l'as fait sortir de son temps, ils disent que tu ne la rattrapes pas. Et ça, Wallahu alam, c'est la vie juste. D'autres savants disent que même dans le cas du prophète, tu peux la rattraper. Wallahu alam. La quatrième mas'ala concernant la salat, c'est que sa prière, alayhi salatu wassalam, quand il prie Nafila assis, il avait la même récompense que quand il l'a prié debout, sans avoir d'excuses valables. On sait que pour nous, il n'est pas autorisé de prier la prière obligatoire assis quand on peut prier debout. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, quand on prie Nafila, la prière surrogatoire, assis, tout en étant capable de prier debout, on a la moitié de la récompense. Le troisième point, quand on prie la prière surrogatoire assis, avec une excuse valable, par exemple quelqu'un qui est malade, il ne peut pas être debout, alors on aura la récompense complète. La particularité de Nabi Isa alayhi salam, c'est que même quand il n'a pas d'excuse valable, quand il prie la naf, il a assis, il a la récompense complète. Dalil, c'est ce qui est rapporté selon Abdullah ibn Amr, radiallahu anhuma, il a dit, on m'a rapporté que le prophète a dit que la prière de l'homme assis est récompensée à la moitié de sa prière debout. La moitié de sa prière debout. Ça, c'est rapporté dans l'authentique de l'imam muslim. Et je suis parti voir Nabi alayhi salam, je l'ai trouvé en train de prier assis. Et j'ai mis ma main sur sa tête, alayhi salatu wassalam. Il a dit, qu'est-ce que t'as, oh Abdullah ibn Amr? Il a dit, radiallahu anhu, on m'a rapporté que t'as dit que la prière de l'homme assis est à la moitié de sa prière debout, dans sa récompense. et toi tu pries assis. Il a dit, oui, mais je ne suis pas comme l'un d'entre vous, rapporté par l'imam Muslim. Donc Abdullah ibn Amr radiallahu anhu, il a cru que le prophète était souffrant, malade. Si la prière debout est récompensée doublement, il ne va pas prier assis sans avoir une raison valable. Donc, mais après, Nabi alayhi sallam l'a informé que ça, c'est une particularité à lui, alayhi sallam. La cinquième mas'ala, c'est que quand quelqu'un, quand il appelait quelqu'un qui est en prière, pendant sa prière, quand Nabi alayhi sallam appelle un homme qui prie, il devait répondre à son appel pendant la salat. Comme ça a été rapporté de Abu Sa'id ibn al-Mu'alla, radiyallahu anhu, dans l'authentique de l'imam al-Bukhari. Et ceci n'est valable que pour le prophète, alayhi salatu wassalam. Si quelqu'un t'appelle pendant que tu pries, tu ne peux pas lui répondre. Mais Nabi alayhi salatu wassalam, tu dois lui répondre. Donc ça, c'est une particularité. Sauf si on dit que tu dois répondre également à ta mère. Ça, c'est un avis qui a été donné par l'Awza'i, rahimahullah. Selon son cheikh Makhoul, il voyait obligatoire pour la personne qui prie de répondre à sa mère quand elle l'appelle. Ils ont pris Dalil dans l'histoire de Jouraïj, cet adorateur parmi les fils d'Israël qui priait, pendant sa prière, sa mère l'a appelé. Et il disait pendant sa salat, il disait, oh Allah, je réponds à ma mère ou je continue ma salat. Je réponds à ma mère et je continue ma salat. Il a continué sa salat. Et ensuite, sa mère, après l'avoir appelé trois fois, il n'a pas répondu, il est resté dans sa salat. Il était dans son minaret en train de prier. En train de prier. Et sa mère, elle est venue lui rendre visite de loin. Et Annie, ça fait longtemps, elle ne l'a pas vu, elle voulait le voir. Et ça l'a tellement attristé qu'il ne répond pas à son appel et qu'il ne descend pas. Et elle a invoqué Allah contre son fils. Elle a dit, oh Allah, ne prends pas son âme jusqu'à ce qu'il voit les visages des prostituées. Ça, c'est une da'wah. Et après une longue histoire, effectivement, Jouraïj, Allah a exaucé cette invocation. Il a vu le visage d'une prostituée qui l'a accusée d'avoir forniqué avec elle, et elle a ramené la preuve, yani, un nouveau-né, elle a prétendu qu'elle est tombée enceinte de Jouraïj. Je vais vous citer l'histoire, il y a une faïda dedans, malgré que j'ai voulu finir la salat. Donc, l'histoire c'est que des hommes parmi les fils d'Israël étaient en train de discuter entre eux. Ils ont parlé de Jouraïj, ce grand adorateur de leur époque, cet homme qui était extrêmement pieux. Il était isolé. Yani, vous savez que les adorateurs des fils d'Israël, ils faisaient comme des petits minarets, ils montent très loin, à plusieurs mètres du sol, et personne ne peut accéder chez lui. Lui, il descend avec une échelle, yani, comme une corde, il descend, il remonte, et après il relève la corde, personne ne peut monter chez lui. Comme ça, ils restent isolés à adorer Allah. Et il y en a, ils passent leur vie comme ça, jusqu'à mourir. Ils descendent que pour récupérer très peu à manger, ils remontent. Et ces hommes parmi les fils d'Israël, ils parlaient de lui, de son adoration. Ils ont dit, est-ce qu'il y a une femme? Vous savez que le fitna des fils d'Israël, c'était les femmes. Ils ont dit, est-ce qu'il y a une femme qui peut tenter Jouraïj? Certains ont dit, non, c'est pas possible. Et une femme qui avait entendu leur discours, qui était une des plus belles femmes, elle a dit, moi je peux vous le tenter. Et effectivement, elle est partie vers Jouraïj. Quand il est descendu, elle a essayé, mais elle a vu que c'était impossible. Et après, elle a trouvé un berger, et elle est tombée avec lui dans le haram, elle a forniqué avec lui, elle est tombée enceinte. Et quand elle a accouché, elle est venue voir ses hommes avec lesquels elle a fait ce pari, elle leur a dit, ça c'est l'enfant de Jurayj. Regardez. Et quand ils ont vu ça, ils étaient choqués. Pensez, cet homme extrêmement pieux, il fait zina wal'iyadu billah. Ils sont venus, ils ont démoli son minaret. Et ils l'ont conduit devant le gouverneur de l'époque pour lui appliquer la sanction. Et quand il voulait lui appliquer ça, il leur a dit, attendez, ramenez-moi le, yani soi-disant, le bébé que vous m'attribuez. Ils ont ramené un bébé, un nourrisson. Yani encore dans le berceau, qui ne parle pas. Et il s'est adressé au bébé, il lui a dit, qui est ton père? Le bébé a parlé. C'est un des trois bébés qui ont parlé, dans le berceau. Il a dit, mon père, c'est le berger. Allahu Akbar. Allah subhanahu wa ta'ala l'a innocenté de cette manière. Et quand ils ont vu ça, ce signe miraculeux, ils lui ont reconstruit son minaret en or. Ce qui nous intéresse ici, c'est l'invocation de sa mère contre lui. C'est pour ça qu'il faut faire attention à invoquer Allah contre vos enfants. Même si vous êtes en colère, peut-être que la porte du ciel est ouverte et que l'invocation sera exaucée. Il faut faire très très attention. Même quand tes enfants te mettent en colère, habitue-toi à invoquer Allah pour eux. Et non pas contre eux. Cette mère a invoqué Allah contre son fils. Yani, c'était une invocation contre lui, de voir les femmes, des visages des femmes, prostituées. Alors qu'à notre époque, il y a très peu de gens qui échappent à cela. Qu'Allah nous pardonne nos péchés. Donc, yani, Makhoul a dit que la mère aussi avait ce point. Mais la plupart des savants disent que non. Ça, c'est spécifique au prophète, alayhi salam sallam. Quand tu pries, tu ne peux pas répondre à ta mère pendant ta salat. T'attends de la finir, et ensuite tu lui réponds. Par contre, tu te précipites à la finir. Tu te précipites à la finir. La sixième mas'ala, et vous allez patienter avec moi un petit peu. La sixième mas'ala, c'est que Nabi alayhi salatu wassalam ne priait pas sur quelqu'un qui décède en ayant une dette et qui n'a pas laissé de quoi rembourser sa dette. Comme ceci a été rapporté dans l'authentique de l'imam al-Bukhari, selon Salam ibn al-Aqwa, radiyallahu anhu. Mais les compagnons de Shafi'i, les compagnons de l'imam al-Kafir, à savoir les savants Shafi'i, ils ont divergé. Est-ce que c'était interdit ou détestable pour Nabi alayhi salam de prier sur quelqu'un qui est décédé tout en ayant une dette et qui n'a pas laissé de quoi rembourser sa dette? Ensuite, ce jugement, de toute manière, peu importe c'était interdit ou détestable, de toute façon, ce jugement a été abrogé. Et Nabi alayhi salam a dit, celui qui décède et qui laisse derrière lui des biens, ça sera pour ses héritiers. Et celui qui laisse une dette et qui ne laisse rien comme héritage, c'est-à-dire à ses enfants comme héritage, c'est moi qui m'occuperai de sa dette. Et s'il y a la trésorerie des musulmines, sa dette sera payée de la trésorerie des musulmines. La septième mas'ala, c'est que Nabi alayhi salam, quand il invoquait Allah en faveur des morts, des gens dans leur tombe, Allah subhanahu wa ta'ala remplit leur tombe avec de la lumière par la cause de la bénédiction de son invocation alayhi salam. Comme ceci a été rapporté dans l'authentique de l'imam muslim, selon Aisha radiallahu anha. Et ça, c'est spécifique à lui. La huitième mas'ala, quand il est passé devant deux tombes, Et Allah subhanahu wa ta'ala, le Nabi alayhi salam, bien évidemment, il voyait le châtiment des gens dans les temples. Il voyait ce qui se passait dans les temples de manière générale. Supplice ou délice. Et il a vu deux hommes qui étaient châtiés dans leur temple. Et ils étaient châtiés pour des choses que les gens minimisent, alors qu'ils sont graves. Le premier pratiquait la calomnie et la médisance. Et le deuxième ne se purifiait pas de son urine. Quand il urine, il ne faisait pas attention. Il urinait sur lui-même, son corps ou ses vêtements. Et quand il termine, il y a deux sens. Ou quand il termine, il ne se nettoie pas correctement. Donc ça, c'est parmi les causes du châtiment dans la tombe. Il les a vus châtiés à cause de cela dans leur tombe. Il a pris, alayhi salatu wassalam, une branche ou deux branches d'un arbre qui étaient deux branches vertes, yani pas sèches. Les branches n'étaient pas encore sèches. Yani elles étaient vertes. Et il a mis dans chaque tombe une partie. Il a mis dans chaque tombe une partie. Il a dit, Allah subhanahu wa ta'ala allégera leur châtiment tant que ces branches ne deviennent pas sèches. C'est-à-dire que l'allègement continuera jusqu'à ce qu'elles deviennent sèches. Ça, c'est rapporté dans les deux authentiques. La neuvième mas'ala, c'est que le Nabi alayhi salam, dans la dernière phase de sa vie, quand il était souffrant, il souffrait comme souffrent deux hommes parmi nous. Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu lui a dit au messager d'Allah, t'as très mal, t'es très souffrant. Il lui a dit oui, j'ai mal comme deux parmi vous. Il lui a dit, t'auras deux récompenses? Il a dit oui. Rapporté par les deux shuyukh, l'imam Muslim et l'imam al-Bukhari. Rapporté dans les deux authentiques. La dixième, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pris son âme jusqu'à lui avoir donné le choix entre le laisser vivre plus longtemps et ensuite le faire rentrer au paradis, ou prendre son âme immédiatement et rencontrer Allah rapidement. Il a choisi ce qu'il y a auprès d'Allah. Et ceci est rapporté dans les deux authentiques également, selon Aïcha radiallahu anha. Donc ça, c'est parmi les particularités et les spécificités du prophète alayhi salam et des prophètes de manière générale. C'est que, avant de prendre leur âme, Allah subhanahu wa ta'ala leur donne le choix entre vivre plus longtemps ou, yani, céder l'âme au Créateur. La onzième et la dernière, c'est que la terre ne touche pas les corps des prophètes et ils restent intacts. Et ça, c'est rapporté dans les Sunan, selon hadith Shaddad ibn Aws, radiallahu anhu. Hadith qui a été authentifié par les imams. Donc, les corps des prophètes sont intacts. Ils resteront jusqu'à la fin des temps. Dans le même état dans lequel ils étaient enterrés. Et ça, yani, c'est ce que l'imam Ibn Kathir a cité. Mais comme on sait, ça c'est pas spécifique au prophète alayhi salatu wassalam. Ça c'est également pour les martyrs. Et est-ce que c'est valable pour les véridiques? Il y a des savants comme l'imam Ibn Qayyim qui dit oui. Donc en tout cas, c'est rapporté dans les textes que les martyrs également, leurs corps sont préservés. Ils restent intacts, même avec les traces de sang, avec les blessures, avec tout ce qu'ils ont eu. Voilà pour aujourd'hui. Le cours prochain, nous allons parler de zakat, de siyam, et du pèlerinage bi-idhnillah, et peut-être plus si Allah Azza wa Jalla nous le permet, jusqu'à finir ces spécificités du prophète alayhi salatu wa salam qui nous restent. Wallahu ta'ala ala wa alam, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.